Parmi les 71 878 articles que comporte l'encyclopédie, voici maintenant des extraits de 19 de ces articles que nous avons choisis et enregistrés pour vous.